Chapitre 10e, Évolution, Révolution. Avec sa facilité ordinaire à se confesser, Maurice avoua à sa femme la vérité complète quant à leur situation financière. Dans un besoin pressant d'argent, pour liquider ses vieilles dettes, il avait dû engager les rentes. Sur ce qu'il avait emprunté, il lui restait 2 600 francs. Ce serait un fonds de réserve. Il travaillerait pour qu'on n'y recourût qu'à la dernière extrémité. Un éditeur lui demandait une romance par semaine, qui serait payée 50 francs chaque, et cela pendant un an. Au journal, il pouvait se faire 75 francs par numéro. C'était une recette assurée de 500 francs par mois, le nécessaire pour la maison. Il achèverait un opéra en un acte, qui était en train, et qui assurément serait mis à l'étude aussitôt fini, car maintenant il était quelqu'un. Tout cela fut débité avec cette franchise et ces regrets qui rendent ses caractères d'autant plus dangereux et d'autant plus séduisants qu'au moment où ils parlent, ils se croient eux-mêmes. Mais Armand ne se laissa pas plus convaincre de la sincérité des dettes anciennes qu'elle ne se laissa éblouir par le mirage des projets. Les précautions si sages de son grand-père avaient été facilement éludées, elles pourraient l'être encore. Elle en avait déjà bien entendu des projets splendides et assurés. Il en avait bien peu vu, non pas se réaliser, mais seulement se poursuivre. « Ce n'est pas 400 ou 500 francs par mois qu'il nous faut, » dit-elle, « pour vivre comme nous avons vécu jusqu'ici, c'est 1 000 ou 1 200 francs. » À ses yeux, ce qu'il y avait de plus urgent, c'était une réforme complète. On quittait la rue de Chaillot, qui coûtait cher, on vendait les meubles de luxe, on rembérait les deux bonnes, on se casait dans un petit logement où elle ferait tout elle-même. « Un pareil changement n'est possible ni pour nos habitudes ni pour notre position, » dit-il. « Avec des économies, nous arriverons, et s'il faut faire quelques petites dettes, mon opéra les paiera. » Elle ne voulut point que, rentrant dans la vie de famille, il y fût tout d'abord accueilli par des paroles de contradiction. Elle céda. Si, après quelques mois, elle était débordée, ce ne serait point elle qui parlerait, ce serait l'évidence. C'était une épreuve à tenter pour la vie matérielle. C'en était une aussi pour la vie morale. Les premières fois, il était revenu sincère dans ses regrets comme dans ses promesses, et elle s'était livrée pleine d'espérance. Aujourd'hui, il ne revenait point poussé par son propre mouvement, mais ramené par une intervention étrangère et par la nécessité. À qui la faute, si dans son cœur, elle ne trouva plus que des sentiments résonnants et raisonnables? Il voulait travailler. « Au moins, je vais pouvoir me remettre au travail. » avait été pour lui son premier mot lorsque Lina lui avait fermé la porte sur le dos. C'était pour lui une compensation, une réparation, une idée fixe qui l'obsédait comme un besoin et un remords. Mais il en est du travail comme du cloître, de qui il a été si justement dit qu'il ne devient doux qu'à continuer. Quand l'artiste a perdu l'habitude de la production quotidienne, il ne lui suffit pas de vouloir pour pouvoir. Facilité est synonyme de continuité pour le cerveau. Qu'on le laisse se reposer ou vagabonder, et quand, par hasard, on essaiera de lui imposer une tâche régulière, il se refusera à notre volonté. On aura alors à traverser ces cruelles journées où, suant d'impatience, défaillant d'inquiétude, doutant de soi, l'on se demande si l'on est épuisé, si l'on ne pourra plus rien faire, si l'enfantement aura désormais ses lenteurs et ses douleurs. Maurice avait toujours été paresseux comme un prince. Il s'était donc, bien souvent dans sa vie, trouvé en présence de ces difficultés d'exécution dont il avait toujours triomphé plus ou moins péniblement. Mais cette fois, il lui fallut reconnaître qu'il était incapable de rien formuler. Sa tête était pleine d'idées à ce qu'il lui semblait. Seulement elle s'envolait ou se réduisait à rien lorsque de l'à peu près toujours suffisant pour la rêverie ou l'imagination, il fallait les amener à ce point réel et précis où l'exécution peut les prendre et leur donner un corps. C'est qu'en même temps qu'il avait perdu la salutaire habitude du travail, il avait pris en échange celle du plaisir. Tout pour lui s'était, depuis quelques années, réuni dans deux mots, rêver et jouir. Or, ce n'est point impunément qu'on se propose ou qu'on accepte un pareil but, surtout si la femme à laquelle on se livre abaisse au lieu d'élever, et si c'est Lina et non Armande qu'on aime. Une fois déjà, il avait éprouvé quelle influence peut avoir sur la vie la corruption d'une maîtresse, et par bonheur, les joies du mariage et de la famille s'étaient trouvées là à point pour le sauver. Aujourd'hui, atteint par le dessèchement du cœur, envahi par une sentimentalité malsaine, dominé par une sensualité exigeante, amoindri dans sa dignité et sa liberté, devenu pour ainsi dire un second exemplaire de sa dernière maîtresse, il sentait parfaitement que ce n'était plus à ses joies qu'il pouvait recourir, mais au travail et à l'ambition. Il le sentait, il ne le put pas, car précisément ce qu'il pouvait le moins, c'était fermement vouloir. Les qualités qu'on reçoit de la nature, il les avait reçues presque toutes. Celles qu'on doit acquérir soi-même par un effort constant, il ne les avait point acquises. Quelques jours de cette réclusion si douloureuse dans sa stérilité amenèrent le découragement. Au lieu de s'obstiner, de travailler quand même, quitte à brûler plus tard ce qu'il aurait fait de mauvais en violentant l'inspiration, il prononça le grand mot des paresseux. « Décidément, je ne suis pas en train, » dit-il à sa femme. « Je vais flâner. Ça me viendra peut-être en prenant l'air. » À ce régime, ça ne vint ni le lendemain, ni le surlendemain, ni les jours suivants. Cependant, quoique le remède n'agît guère, il n'essaya point de le changer. Douce à commencer, douce à continuer, la flânerie n'est dure qu'à interrompre. Chaque matin, il faisait, en fumant, quelques tours dans son jardinet. Puis, après avoir bien constaté que l'inspiration n'était pas venue, il déjeunait copieusement avec sa femme et sa fille, pour lesquelles il n'avait que de bonnes paroles. Après déjeuner, il partait. Il s'en allait à petits pas par les Champs-Élysées, baguenaudant le nez en l'air, les mains dans les poches, le cigare aux lèvres. Sur le boulevard, il s'arrêtait à son café et lisait les journaux en avalant deux ou trois petits verres. Puis il allait causer des scandales de la veille et des nouvelles du jour au bureau du journal, où il était toujours certain de rencontrer non Liénard, qui, devenu un homme occupé, n'avait pas de temps à perdre, mais quelques flâneurs comme lui, ou bien quelques-uns de ces gens qui, sans avoir jamais écrit une ligne, sont connus dans toutes les boutiques de papier noirci ayant affaire. Il gagnait ainsi l'heure de la bourse. Cette heure n'avait point pour lui d'importance financière, mais elle en avait d'autres sortes. C'est le moment, en effet, où les femmes du monde galant n'ont rien à faire, ni rien à craindre. Ceux qui ont le droit de leur parler en maître, étant occupés à gagner ce droit rue Vivienne. Il s'adressait tantôt à l'une, tantôt à l'autre de celles qu'il avait connues, et chez presque toutes, il était bien reçu. Il était ruiné, cela était vrai, mais il s'était bien ruiné. Elle n'avait pour lui les égards que les conscrits ont pour un invalide. Il se présentait quand, le déjeuner étant fini, la toilette n'est pas encore commencée. Il était jeune, beau garçon, complaisant, discret, et souvent on trouvait au fond de ses poches quelques coupons de loge. Ses visites faites, il revenait au boulevard, et jusqu'à l'heure de l'absinthe, il traînait sa canne sur le trottoir compris entre les rues Drouot et la chaussée d'Antin. Après dîner jusqu'au moment où l'on éteint le gaz dans les restaurants et les cafés, on était certain de le trouver sur ce morceau d'asphalte ou à son café. C'étaient les heures les mieux remplies de sa journée que celles qu'il passait au milieu des femmes qui tiennent leurs petites bourses. Il les connaissait, et à suivre leurs manœuvres, il trouvait autant de plaisir qu'un sportsman peut en prendre chez Tattersall à voir trotter les chevaux en bande. Vers une ou deux du matin, Armande, qui ne restait plus levée, mais qui cependant ne s'endormait pas avant son retour, l'entendait rentrer. Plus d'une fois, il lui sembla qu'il ne trouvait point les marches et qu'il trébuchait. Ses occupations si diverses devinrent en peu de temps une règle de conduite à laquelle il ne manquait qu'un jour par semaine, le mardi. Ce jour-là, à Paris, il préférait Saint-Cloud, où cinq ou six de ses amis s'étaient réunis en phalanstère, sous prétexte de travailler plus librement, mais en réalité pour ne payer que 10 sous au lieu de 16 les nombreux litres qu'il consommait. Il était venu la première fois par hasard, un jour qu'étant sorti pour tâcher de travailler dans le bois de Boulogne, il n'avait point tardé à s'ennuyer. La seconde, il y était retourné parce qu'il s'y était bien trouvé la première, la troisième parce qu'il y était revenu la seconde. C'était ce qu'il l'appelait se mettre au vert et Martel au petit verre. À quelques observations que celui-ci lui fit sur ce genre de vie, il se contenta de répondre en riant. Les pieds dans le fumier et la tête dans le ciel, c'est ainsi que vivent les arbres qui produisent les plus belles récoltes. « Laisse donc, » lui répondit tristement celui-ci. « Dans la pourriture, on pourrit soi-même. Voilà tout. D'ailleurs, s'il est certain que tes pieds sont dans la fange, je ne vois nullement que ta tête soit dans le ciel. » À sa femme, qui elle aussi essaya une timide interrogation, il se contenta de répondre que c'était dans ce monde où il allait qu'il trouvait les matériaux de sa chronique. Aimait-elle mieux qu'il ne fît rien ? Il était à la prose, la musique viendrait plus tard. Au lieu d'une romance, il en ferait deux par semaine. Et son opéra ne demanderait pas plus d'un mois de travail quand il serait bien disposé. Elle se tut, car cette chronique, au moins, il l'avait jusqu'à ce jour régulièrement livrée. Et elle avait du succès. Comme tous ceux qui ne se font point critique par vocation, pour dire leurs pensées, pour maintenir haut tout ce qu'ils croient, les règles du devoir ou du beau, mais qui le deviennent par un succès, impuissance ou paresse, il apportait dans la discussion une brutalité de forme qui réveillait l'attention du public blasé. De tous ceux de qui il n'avait pu être le rival, il parlait avec une hauteur dédaigneuse, et quand il consentait à louer, c'était avec une sorte de pitié bienveillante. « Ce n'est pas mal, » semblait-il dire, « mais ce n'était guère difficile, et dans tous les cas, on pourrait faire mieux si l'on voulait. » Si l'on voulait était son grand mot, c'était son excuse aussi bien que son espérance. Par malheur, il ne voulait et ne voulut point. 6 mois de cette vie achevèrent d'éclairer Armande et de lui montrer son mari tel qu'il était. Lorsqu'elle vit les promesses oubliées, les projets ajournés, les regrets évanouis, lorsqu'il lui fut bien démontré que demain serait ce qu'était aujourd'hui, que lui-même était ce qu'avait été hier, l'évidence entra de force dans ses yeux qui s'ouvrirent et dans son cœur qui se ferma. Elle voulut repousser cette étreinte, échapper à cette lumière, car ce n'est point sans lutter qu'on renonce à sa foi, foi dans le Dieu qu'on adorait, aussi bien que dans l'homme qu'on aimait, comme ce n'est point sans épouvante qu'on voit approcher le moment où se fera la nuit froide et noire qui suit la disparition de toute croyance. Aux qualités qu'elle avait cru autrefois trouver en lui, elle tâcha de se cramponner, mais toutes, les unes après les autres, lorsqu'elle y porta et appuya fortement la main, fondirent comme si elles eussent été de neige. Il fallut bien alors qu'elle condamnât ce mari qu'elle avait tant aimé. Et elle le fit d'autant plus sévèrement qu'elle le jugeait de haut, car à mesure qu'il avait descendu, elle avait monté. Elle avait été mère, et qui forme le cœur d'un enfant forme le sien en même temps. Qui élève, s'élève. Elle avait souffert, et sur son âme les coups du malheur avaient frappé, comme sur une barre de fer les coups du forgeron pour en chasser toutes les scories. Sans doute ce ne fut point en parole qu'elle formula ce jugement. Elle ne se dit pas « Mon mari est déchu, son caractère s'est abaissé, son cœur s'est endurci. » Mais en ces choses, ce n'est pas le raisonnement qui éclaire et convainc, c'est le sentiment. Ce fut lorsqu'elle eut à faire appel à ce cœur qu'elle le sentit amoindri. Ce fut dans les choses intimes de chaque jour qu'elle sentit que ce caractère n'avait plus la droiture et la générosité qu'elle lui avait connues. Déception autrement pénible que celle auxquelles elle serait lentement arrivée de déduction en déduction. Un homme d'ailleurs était auprès d'elle, qui par la comparaison les rendait plus douloureuses encore, Martel. La vie ne s'était pas offerte à lui riante et facile. Il l'avait commencé sans parents, sans amis, sans éducation, sans fortune. Et cependant son nom était, pour tous, synonyme de droiture et d'honnêteté. Dans sa route qu'il avait escaladée marche à marche, personne n'avait noté une bassesse ou une faiblesse. Amis et adversaires l'estimaient également. Et ce qui, sur une femme, était plus puissant que ses qualités de l'artiste, c'est que tandis que Maurice, pourtant si favorisé en toutes choses, en était arrivé à ne plus croire en rien, attaquant d'un scepticisme chagrin ce qu'elle avait toujours révéré et servi, jetant une indifférente indulgence sur ce qu'elle avait toujours condamné, Martel était sorti de la mêlée meilleure qu'il n'y était entré, n'ayant rien perdu de sa jeunesse, s'étant convaincu de sa force, entier dans ses sévérités, passionné dans ses amitiés, tendre à la souffrance, facile à la confiance et à l'enthousiasme. Lorsque, frappé de ce contraste, qui chaque jour allait s'accentuant, elle en laissa échapper un mot, Maurice ne fit que rire de son observation. « Décidément, dit-il, tu te mets Martel en tête. Heureusement que je n'en suis et n'en serai jamais jaloux. Un paysan du Danube, un glaçon qui ferait prendre la Seine rien qu'en la regardant. » Tout en venant assez souvent à Chaillot, Martel n'y dînait plus que très rarement, trouvant toujours des prétextes pour refuser. Un soir qu'il avait été obligé d'accepter, Maurice arriva en retard et de fort maussade d'humeur. La journée avait été mauvaise pour lui. Il avait trouvé une petite dame dont il se croyait le préféré, dans un tête-à-tête trop peu vêtu, avec un jeune coiffeur. Et à son café, après 18 parties de bésigue, il s'était fait mettre sur le dos 10 chopes et 16 absinthes. Le dîner fut loin de lui rendre la gaieté. C'était un dîner convenable, mais aussi simple que possible. Le poisson était petit, le poulet maigre, le vin avait été acheté chez le marchand du coin. « Hein ?» dit Maurice. « Voilà qui rappelle nos dîners de chez Chabanas. 16 sous, 20 compris, seulement les portions étaient plus fortes qu'ici. » On avait coutume de prendre le café dans le salon. Ce soir-là, on apporta les tasses sur la table. « Pourquoi ce changement ?» demanda-t-il. Armande ne répondit pas. Lorsqu'on prenait le café au salon, on le servait sur un plateau et dans une cafetière en argent qui avait été donnée autrefois à M. Michon par un riche malade. Or, le matin même, pour payer le terme, Armande avait été forcée de faire engager au monte-piété le plateau et la cafetière. C'était pour que Martel ne devinât point la vérité, qu'elle avait recommandé d'apporter le café dans la salle à manger, où le service était plus simple. Après un moment de silence, Maurice continua. « Tu vois, on ne me répond pas. Eh bien, ce mutisme veut dire que dans le salon, il faudrait allumer des lampes et des bougies, que l'huile coûte cher, que la bougie est hors de prix, et que quand on a un mari qui a compromis sa fortune, il faut faire des économies. Comme c'est éloquent, le silence. Ah, mon cher, si tu te maries, n'épouse jamais une femme plus riche que toi, et surtout, ne dépense pas de sous qui lui appartiennent. Si je trouvais un juif pour me payer 200 000 francs 5 ou 6 livres de ma chair, comme je me débarrasserais à ce prix de tous ces reproches. Tiens, il se tourna vers sa femme. Tu me rends ma maison lourde à supporter, comme si de tout son poids elle me pesait sur les épaules. Tu m'étouffes, j'en meurs à la peine. Pendant les premières paroles de cet étrange discours, Martel était resté les yeux fixés sur sa tasse. Au dernier, il se tourna vers Armande qui, immobile, paraissait décidée à se taire quand même, mais qui, malgré ses efforts pour se contenir, suffoquait. « Maurice ne pense pas un mot de ce que nous venons d'entendre, » dit-il. « Il sait que cette maison et vous-même, au lieu de l'étouffer, vous êtes les derniers liens, le rattachant à ce qui est bon. Par ma bouche, il vous demande pardon. Et la main que je vous tends est la sienne. » Cette réplique avait été si violente que le mari et la femme en furent stupéfiés. Mais on y sentait une si grande émotion et une si grande douleur, tant de justice et tant d'autorité, qu'après un moment d'anxiété long pour tous les trois, Maurice, avec sa mobilité ordinaire, passa d'un excès à l'autre. Il se leva et, s'approchant de Martel et d'Armande, à qui il tendit les deux mains dans un mouvement plein d'entraînement. « C'est ma conscience qui vient de parler, » dit-il à sa femme. « Écoute-la, écoute Martel. » Comme tous deux, surpris et émus, lui serraient la main, il se dégagea. « Malheureux que je suis, » dit-il, « laissez-moi, laissez-moi seul. » Mais presque aussitôt il reprit, « Non, restez. » Et il sortit. Partagé entre une tendresse involontaire et un amour-propre rétif, il ne voulait point laisser voir son embarras et sa faiblesse. Le premier mouvement bon et franc cédait déjà. « Vous voyez, » dit Martel, « c'est un enfant aussi prompt à vous injurier qu'à vous demander pardon. Un mot de tendresse le ramène, un mot de raison le retient. « Eh bien, après, » dit-elle. Accoudée sur la table, dans une pose découragée, elle paraissait plongée dans un de ces moments de retour sur soi-même où les paroles partent irrésistiblement. « Je ne veux pas me plaindre, » reprit-elle, « mais je suis à bout de force. » Marie-Ange, qui entra pour prendre Victorine et la coucher, interrompit ses confidences. « Où est monsieur ?» demanda Armande. « Sorti, il a dit qu'il rentrerait dans une demi-heure. » Ils passèrent dans le salon où, malgré ce qu'avait dit Maurice, les lampes étaient allumées et le feu brûlait. Elle ne reprit point l'entretien et se mit à une petite table à ouvrage. Martel s'assit auprès de la cheminée et prit un livre qu'il n'ouvrit point. Ils restèrent ainsi, elle, penchée sur son travail et tirant régulièrement son aiguille, lui, ramassant toutes les parcelles de charbon et les rangeant méthodiquement sur les morceaux de bois qui fumaient sans flamber. Tout à coup, comme s'il obéissait à une pensée intérieure et répondait aux confidences, interrompues quelques instants plus tôt, mais qui se seraient continuées sans échange de paroles et par une communication intime. « Que ne suis-je un vieillard, » dit-il, « ou votre frère ?» En même temps, il releva les yeux sur elle et la regarda. Elle avait redressé la tête et abandonné son ouvrage. Ses lèvres frissonnaient, ses joues étaient pâles, ses grands yeux ouverts étaient fixés sur lui. Il ne continua point sa pensée qu'il sentit comprise, à l'expression pleine d'angoisse et de dignité, de prière et d'abandon qu'il lut sur ce visage plus éloquent que toutes les paroles. Mais il se leva et s'approchant, tandis qu'elle restait immobile, les mains jointes, les yeux toujours attachés sur lui. « Il vaut mieux, » dit-il, « que Maurice ne me trouve point à son retour. On est mal à l'aise devant un témoin de sa faute. » Et il sortit. Ainsi le résultat le plus clair de l'épreuve tentée pour la vie morale, c'était le découragement absolu. Pour la vie matérielle, c'était la misère. On était arrivé d'autant plus rapidement à cette misère que Maurice, bien que dépourvu des ressources qui lui avaient été fournies ou qu'il s'était créé jusqu'à la mort de M. Michon, n'avait changé en rien ses habitudes de largesse envers lui-même, de générosité envers les autres. Il n'aimait point à marcher dans les rues par un temps de pluie ou de boue. Il avait continué à prendre des voitures et à mériter, par ses pourboires, le nom de père au cocher qu'on lui donnait dans les 2 ou 3 stations voisines de chez lui. Il aimait l'élégance, il ne s'était pas privé d'une paire de gants, d'un chapeau neuf, d'une cravate fraîche, toutes choses qu'on paye comptant. Pour ses amis, il avait toujours eu ses poches bourrées de cigares. Le soir, quand une fille n'avait pas de quoi payer son souper au café, il avait toujours trouvé les 3 ou 4 francs nécessaires. Chez ses fournisseurs habituels, il n'avait pas diminué ses dépenses. À ce régime, les 2600 francs déposés entre les mains d'Armande comme réserve avaient été rapidement absorbés par petites sommes. Cependant, il fallait vivre. Elle commença par renvoyer une de ses bonnes sous prétexte qu'elle était devenue insolente, ce qui était vrai. Les domestiques parisiens ayant trop souvent coutume de faire payer à leur maître la gêne qui tombe sur une maison. Puis, elle avait apporté une économie encore plus rigoureuse dans les dépenses indispensables, les seules qu'elle se permit. Marie-Ange, vraie fille de la campagne, dévouée à sa maîtresse qu'elle avait vue grandir, à Victorine qu'elle aimait avec l'attachement d'un chien, s'était de son côté appliquée à dépenser le moins possible. Tous les matins, levée à 5 heures, elle s'en allait à la halle, après avoir fait son ménage. Elle y restait jusqu'au moment où la cloche sonnant, les denrées s'y vendent au plus bas prix. Alors, le bras passé dans l'anse de son panier, elle s'en revenait, à grands pas, préparer le déjeuner. Pour gagner un sou, elle eût fait une lieue et affronté le répertoire de toutes les poissardes. Elle fit renvoyer le blanchisseur et lava elle-même tout le linge. Par ces moyens, on arrivait à ne prendre que bien peu dans la caisse. Mais comme on n'y mettait jamais, elle se trouvait bientôt vide. « Comment ?» dit Maurice. « Notre réserve est épuisée. »« C'est incroyable comme va vite la dépense d'une maison. Tu devrais surveiller Marie-Ange. » Il alla trouver Martel, à qui il demanda quelques centaines de francs et qui en donna 1000. Lorsqu'Armande sut d'où venait cette ressource, elle fut désespérée. Elle avait cru envoyer son mari au travail et ça avait été à l'emprunt. On redoubla d'économies. Marie-Ange déclara que la nourriture de Paris était trop forte pour son estomac. Elle se mit au régime des pommes de terre et de la bouillie à la mode de Bretagne, total 5 sous par jour, pain compris. Quant au vin, elle ne l'aimait plus et lui préférait le cidre, mais comme le cidre de Paris ne valait rien, elle lui préféra l'eau. Que peuvent ces économies de femme? Au dehors, il vivait de sa vie ordinaire et ce qui arrive si souvent se produisait pour lui. Moins sa bourse était garnie, plus il avait de besoins et de tentations. C'est quand on n'est pas sûr du lendemain qu'on vit le plus largement. Il n'y a pas d'argent qui file plus vite que l'argent emprunté. Il fallut aviser encore. Il retourna chez Martel. Celui-ci, prévenu par Armande, ne donna que 100 francs. S'il créait des dettes nouvelles, ce n'était point pour éteindre les anciennes. Il se souciait des créanciers comme d'un bout de cigare, et il les renvoyait sans jamais leur donner le plus petit acompte, se moquant des timides, traînant de délai en délai les exigeants. Aussi les huissiers commencèrent-ils à apporter leurs papiers timbrés, parlant à la dame, son épouse, ainsi déclarée. La première fois qu'on lui signifia un commandement, Maurice, en rentrant pour dîner, le trouva sur sa serviette. « Voilà ce qu'on m'a remis ce matin, » dit Armande avec le plus de fermeté qu'elle n'en avait d'ordinaire. « Quand j'ai tenu ce papier dans ma main, et que l'huissier a été parti, je ne saurais te dire quel effet cela m'a produit. Depuis, j'ai réfléchi. Je vois bien que toutes les économies sont insuffisantes. Voilà une somme de 600 francs qu'il faut payer. » Nous n'en avons pas le premier sou, et je n'ai plus absolument rien pour faire marcher la maison. J'ai nourri mon père autrefois. Je vais me remettre au travail. » À cette proposition, il se fâcha. Il ne souffrit jamais qu'on dît qu'il avait épousé une ouvrière. Voulait-elle lui faire prendre la maison en haine? « Quelle folie fait un artiste de se marier, » dit-il. « Indépendant, maître de moi, de ma vie et de ma pensée, j'aurais peut-être fait de grandes choses, car je le sens, j'étais doué, mais de glissade en glissade, le mariage m'a entraîné dans la mare où je me noie. » Et au lieu de se mettre à table, il arpenta la salle à grands pas. Après un temps assez long, Armande servit Victorine, qui avait déjà tendu son assiette 5 ou 6 fois. Puis, s'adressant à lui, « Ne dînes-tu pas ? » dit-elle. « Est-ce que je peux manger, tourmenté comme je le suis ? Et une pareille gargote, est-ce là un dîner ?» Cependant, il s'assit et mangea sans rien dire sa côtelette, tandis qu'elle se servait seulement des pommes de terre, car il n'y avait de la viande que pour lui et pour l'enfant. Au dessert, il eut un mouvement d'attendrissement. « Vois-tu, dit-il, si j'étais sage, je me séparerais de toi. J'irais vivre n'importe où, et je vous laisserais toutes les deux. Tu travaillerais jusqu'au jour où vos rentes seraient libérées, et vous seriez heureuse. Je ne suis pas fait pour le mariage. Avec moi, tu souffriras toujours. J'étais peut-être bon, mais on m'a corrompu autant que je me suis corrompu moi-même. Je ne serai jamais qu'un bohème sans talent et sans dignité. » Malgré cet accès de repentir, il ne voulut point consentir à ce qu'elle travaillât, déclarant que le jour où elle le ferait, il se séparerait d'elle. C'était à lui de gagner la vie de la famille, il fallait s'y mettre. En attendant, elle dut recourir au seul expédient praticable, au mont-de-piété. Après le plateau et la cafetière vinrent les bijoux. Après les bijoux, les objets sur lesquels on prête bien peu, le linge et les vêtements. Lorsqu'il apprit que Marie-Ange avait engagé l'argenterie, il entra dans une colère terrible. Mais quelques jours après, il prit lui-même les dentelles de sa femme pour se procurer une centaine de francs qu'il lui fallait. Ses minces ressources alimentaient telles quelles la vie journalière. Elles ne suffisaient point pour les grosses dépenses, le terme et les dettes criardes. Le premier terme avait été pris sur les 2 600 francs. Le deuxième avait été payé avec le prix du plateau. À l'échéance du troisième, on se trouva sans rien. Mais il commençait à avoir l'habitude de jongler avec les difficultés et de lamenter des moyens, qu'il appelait des ressources de trésorerie, pour reculer toujours. Cette occasion lui en suggéra un qui lui causa un vrai ravissement, car tout en le tirant de l'embarras pour l'heure présente, il le mettait à l'abri des créanciers féroces et lui assurait plusieurs mois d'une sécurité relative. Il vendit un tapissier son mobilier livrable dans 18 mois, et pour prix le tapissier s'engagea, premièrement, à payer le propriétaire jusqu'à cette époque, deuxièmement, à verser immédiatement 2 000 francs, troisièmement, à annuler le marché, si à l'expiration du délai, une somme de 2 500 francs lui était payée et si ses débours lui étaient restitués. 18 mois, c'était pour Maurice l'avenir. Dans 18 mois, il aurait achevé 2 opéras et l'on toucherait au moment où la rente serait rendue. Cela valait plus de 2 500 francs. Il est vrai qu'il pouvait bien alors ne point l'avoir. Premièrement, ces 2 500 francs pris de la clause résolutoire, deuxièmement, les 2 000 francs à lui avancer, troisièmement, les 1 800 francs payés au propriétaire. Auquel cas, c'était un mobilier de 15 000 francs qu'il donnait pour 3 800 francs. En même temps que c'était la ruine complète, sans rien garder, pas même un oreiller. Mais il lui semblait impossible que cela pût arriver, et quand sa femme, épouvantée de cette expectative, pour elle trop certainement réalisable, essaya une observation, il ne la laissa point continuer. La maison recommença donc à marcher pendant quelques mois, c'est-à-dire pendant que durèrent les 2 000 francs. Puis les choses reprirent telles qu'elles avaient déjà été, mais avec cette aggravation qu'il ne restait plus rien à porter au monde de piété. On était, il est vrai, entouré de beaux meubles, de tentures, de pendules, de bronze, mais tout cela était le gage du tapissier. Comme toujours, Maurice avait cru que ces 2 000 francs, auxquels cependant il faisait tant d'emprunts, ne finiraient jamais. Aussi fut-il de très bonne foi dans sa surprise, quand à une demande qu'il adressa à sa femme, celle-ci répondit qu'elle n'avait plus rien. « Il me faut 60 francs tout de suite, je ne les ai pas. Comprends bien que c'est pour moi une affaire d'honneur. On m'a donné ma note au café. Si je ne peux pas le payer comptant comme à l'ordinaire, je n'oserais pas y retourner. Et c'est là que j'ai seulement un peu de distraction, tu le sais bien, c'est là que je vois mes amis. Tu as toujours été cachotière, tu dois avoir quelques louis au fond d'un tiroir. » Sur les 2 000 francs, j'ai employé en 3 notes pressantes 400 francs. J'ai dépensé pour la maison 90 francs. Tu as pris le reste, tout est écrit. « Ah, des comptes » s'écria-t-il, « des reproches ! Pourquoi ne me dis-tu pas tout de suite franchement qu'il te déplaît que j'aille au café ? Pour que je reste ici, n'est-ce pas ? En tête-à-tête avec une femme chagrine, comme c'est gai !» Cependant, comme il voulait en arriver à ses fins, il s'adoucit, et pour ne pas revenir directement à sa femme, il s'adressa à Victorine. « Allons, viens ici m'embrasser, me distraire un peu. »« Non, » dit l'enfant avec une sorte de fermeté sombre, « tu fais pleurer maman. » Il se leva furieux. « Ah, c'est ainsi! Personne ne m'aime! On apprend mon enfant à me haïr !» Et il se dirigea vers la porte. « Tiens !» s'écria Armande en courant après lui. « Voici 80 francs, ne m'en veux pas, je les gardais pour le corset de Victorine. » Depuis quelque temps, Victorine, qui avait grandi, se balançait sur ses hanches en marchant. On craignait que sa taille ne tournât, et Carbonneau avait ordonné une sorte de machine orthopédique et des bains électriques. Les bains, il les faisait donner à son hôpital. Mais pour avoir le corset, il fallait le payer, et c'était à cela qu'Armande destinait ses 80 francs. On avait toujours trouvé tant bien que mal de quoi manger. Il arriva un moment où il n'y eut plus 20 sous dans la bourse, ni dans les armoires, rien qui pût faire de l'argent. Lorsqu'Armande annonça cette situation, il fut pris d'un désespoir sincère et pleura de vraies larmes. Il se confessa et s'humilia comme de coutume. Mais il fit mieux que de coutume. Il ne se coucha point et passa la nuit à travailler. Le lendemain, il avait achevé 3 mélodies, dont une simple et touchante conquit immédiatement une vogue légitime et fit connaître le nom de son auteur mieux que ses œuvres sérieuses. Malheureusement, vendues dans de mauvaises conditions, elles furent mal payées. Mais ce n'était pas l'argent qui touchait Armande. Une lueur d'espérance lui revint. Il allait travailler. Le premier coup était donné. Les mauvais jours allaient finir. Ils ne finirent point, car il ne retrouva pas cette virginité de désespoir inhérente à une première atteinte. et quand l'argent des mélodies fut dépensé, au lieu de se mettre au travail, il se rabattit sur des expédients. Alors, pour la première fois, elle entendit sa fille dire qu'elle avait faim, et pour la première fois aussi, elle recourut à ces ruses humiliantes de ceux qui vont implorer crédit. Elle alla elle-même chez les fournisseurs et les pria d'attendre. Attendre quoi? Elle n'en savait rien. Et c'était la rougeur au front qu'elle disait ce mot. Allait-elle donc aussi perdre toute fierté? Dans son désastre, elle avait toujours obstinément conservé une cuillère en vermeil, que 2 jours avant sa mort, M. Michon avait donnée à Victorine. L'enfant ne voulait se servir que de cette cuillère, et le matin on la donnait aussi à Maurice, qui avait horreur de manger son chocolat dans de l'étain. Un jour, on la retrouve à point. On bouleversa la maison inutilement. Qui soupçonnait? L'idée ne va pas à Armand de suspecter Marie-Ange. Madame Aiguebelle, qui arriva précisément à ce moment, dit le nom que ni la maîtresse ni la servante n'osaient prononcer. « Ne perdez pas votre temps à chercher. C'est votre mari qui l'a prise pour la vendre. Ne vous indignez pas et ne dites pas non. Mon mari, qui était de l'espèce du vôtre, m'en a bien fait d'autres. Vous ne savez pas jusqu'où peuvent aller ces natures-là. Si je n'avais pas pris mon parti, je serais morte de faim avec mon fils. » C'est alors que, n'ayant pour tout patrimoine qu'une main de papier et une bouteille d'encre, je suis devenue comtesse au bas des journaux de mode, car vous comprenez bien qu'il faut des raisons pour se résigner à ces besognes-là. Faites comme moi, vous savez travailler, quittez-le, au moins vous pourrez élever votre enfant. Depuis assez longtemps vous êtes épouse, soyez mère maintenant. Le quitter. Ce mot que l'amitié venait de dire, c'était celui aussi que Maurice, bien souvent, avait prononcé, celui qu'elle-même, dans ses jours d'accablement, répétait. Mais le quitter quand il était désespéré, était-ce possible? Si dans son cœur elle ne sentait plus pour lui ni estime ni amour, le devoir lui disait encore qu'il était mal de l'abandonner dans la misère, qui bien vite, lorsqu'il ne serait plus retenu ni soutenu, achèverait de le perdre. Il n'avait point de ces délicatesses de conscience, et précisément parce que la misère était chez lui, il tâchait d'y rester le moins possible. « C'est une bouche de moins à nourrir, » disait-il. Partant de ce principe d'économie domestique, il profitait de toutes les occasions qu'il rencontrait ou faisait naître pour rester hors de sa maison. Ce fut ainsi qu'ayant été invité comme journaliste à une inauguration dans une ville de bains d'Allemagne, il y demeura un mois au lieu d'un jour, comme tous ses confrères. Pendant ce temps, Armand eut à se débattre avec les créanciers, d'autant plus exigeants qu'ils accusaient Maurice de s'être sauvé. Parmi ceux-ci se trouvait une espèce d'homme de lettres, assez jeune encore, qui n'ayant réussi à rien, avait employé une petite fortune qu'il venait d'héritage à fonder une banque d'usure à l'usage des artistes. Quoiqu'il écorchât impitoyablement ses clients, il n'était haï de personne, tant le métier qu'il exerçait rendait de service dans ce monde où les relations avec les vrais banquiers sont assez rares. Grassouillet, frais, souriant, bon vivant, aussi généreux avec les femmes qui le ruinaient que dur avec les hommes qui l'enrichissaient, il répondait au nom de Bapaille. Il venait de toucher un billet de 500 francs qui lui avait été souscrit par Maurice. Quand il apprit que celui-ci était toujours en Allemagne, il entra dans une colère rouge, et comme son métier lui avait donné la facilité de se permettre tout ce qu'il voulait, il ne se gêna point pour la laisser éclater. « Ma chère dame, je ne me laisse point prendre aux paroles. Je veux bien ne pas vous faire responsable de ce qui arrive, ni vous accuser de complicité, car vous m'avez l'air honnête. Mais les faits sont les faits. Votre mari est un filou. Depuis qu'il m'a signé ce billet, il a vendu son mobilier et le voilà filé en Allemagne. Tout ce que vous me dites est bel et bon, et je veux bien vous croire. Mais il n'en est pas moins vrai que, volontairement ou involontairement, vous êtes pour beaucoup dans les dettes de votre mari. Croyez-vous qu'il trouverait des jobards pour les prêter, si on ne savait pas que vous avez une fortune qui, engagée pour le moment, sera libérée un jour? Aussi, vous devriez bien faire quelque chose pour moi. » Il s'approcha d'elle, adouci et souriant. Elle lui avait plu, il en avait déjà tant vu de pauvres femmes céder à la peur qu'il inspirait, qu'il ne doutait de rien. « Entendu, continua-t-il, que moi aussi je ferai quelque chose pour vous. Que pourrait-on refuser à une femme aussi charmante si elle était aimable? Ça sent la misère ici. Vous devez vous y ennuyer à périr. Des robes rafistolées, est-ce que c'est digne de vous? Soyez gentil, signez-moi une délégation pour le jour où vous rentrerez en possession de vos titres. Je renouvelle le billet échu aujourd'hui et je vous prête 500 francs. Tenez, pour vos beaux yeux, je me fends d'un billet de 1000. » Ses yeux flamboyaient et soulignaient ces paroles déjà si claires. Elle se leva et s'étant reculée de quelques pas. « Mon mari vous portera ma réponse. » Il ne se laissait point facilement démonter. Cependant, il fut sinon honteux, au moins un peu abasourdi. « Ah ! » dit-il en se remettant assez vite. « De la dignité, des phrases, c'est ainsi que vous le prenez ?»« Eh bien, c'est mon huissier qui vous apportera ma réponse à vous. » Lorsque Maurice arriva, elle commença par lui raconter cette visite telle qu'elle avait été faite, avec ses propositions et ses menaces. Elle était encore indignée, ce fut à peine s'il l'écouta. « Il est bien question de vapailles et des créanciers, » dit-il gaiement. « Tiens, regarde ça !» Et il étala sur la table une poignée d'or et du billet de banque, 3 000 francs gagnés aux 30 et 40. Elle fut attristée, non éblouie. « C'est vapaille qui te tient au cœur, » reprit-il. « Sois tranquille, j'irai demain chez lui. » Il y alla en effet. Après avoir débuté par faire une belle peur à vapaille qui n'était point brave, il finit par lui demander le renouvellement du billet. Ce à quoi celui-ci consentit, à condition toutefois qu'Armande s'obligeât solidairement à son paiement. En revenant, il reprit chez une marchande à la toilette la montre de sa femme qui était engagée pour 200 francs, et il acheta un charmant costume pour Victorine. Mais Armande n'était plus au temps où une marque de bonté ainsi donnée par hasard guérissait. Dans un élan de reconnaissance et de joie, les douleurs passaient. Tout la décidait maintenant à prendre le parti décisif qu'elle balançait depuis si longtemps. Elle n'avait plus l'excuse de la misère immédiate à se donner, puisqu'il avait une somme assez importante devant lui. Elle n'avait pas davantage d'illusions à se faire, ni d'espérances nouvelles à s'imposer. Il ne travaillerait pas plus qu'il n'avait travaillé. Elle devait donc agir. Mais c'était chose tellement grave que rompre ainsi sa vie. C'était une si lourde responsabilité qu'enlever un enfant à son père, qu'elle ne pouvait se décider. Persuadée aujourd'hui que son devoir exigeait qu'elle partît, demain qu'elle restât, dans tous les cas, cruellement agitée et perplexe. Une fois encore, elle voulut faire une dernière tentative auprès de lui. « Laisse-moi travailler, le monde n'en saura rien, je gagnerai le nécessaire pour la maison, et tu auras tout le temps d'attendre que l'inspiration te vienne et de ne produire qu'à ton heure. » Une fois encore, il refusa obstinément. Son orgueil était en jeu, non seulement envers le monde, mais encore envers lui-même. Alors elle se donna 3 jours pour réfléchir mûrement et peser les raisons du pour et du contre déjà si souvent agitées. Puis, après ces 3 jours, 2 encore qui furent une véritable agonie. Comme dernier délai, elle s'était fixée le lundi, 9 heures du soir, moment où elle était toujours seule, Maurice étant sorti et Victorine couchée. Quelques minutes avant l'expiration de ce terme fatal, Martel, qui était resté sans venir pendant toute l'absence de Maurice, fut introduit dans la pièce où se trouvait Armande. Elle voulut tout d'abord s'ouvrir à lui et lui demander conseil, mais un moment de réflexion l'en empêcha. Il ne lui parut pas digne de partager ainsi la responsabilité de l'acte qu'elle allait accomplir. 9 heures sonnèrent. Elle se leva, et s'adossant à la cheminée sur laquelle une lampe brûlait, elle se plaça de manière à se trouver juste en face de Martel, éclairée en pleine figure. « L'heure qui vient de frapper, dit-elle, et à laquelle vous n'avez sans doute pas fait attention, a décidé de ma vie. Je quitte Maurice. » Elle se mit à lui dire en peu de mots ce qui, dans ces derniers temps, avait fortifié sa détermination. Lorsqu'elle eut achevé, « Vous l'aimez donc toujours ? » demanda-t-il en attachant ses yeux sur elle. « Je ne saurais jamais lui résister. » D'une voix hâtée, elle raconta comment elle avait eu la faiblesse d'abandonner les 80 francs destinés à Victorine, son plus grand remords. « Maintenant, qu'allez-vous faire ? » dit-il. « Travaillez. » « Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à moi ? Vous savez que je gagne maintenant plus qu'il ne me faut et que j'ai de l'argent. Vous n'êtes ni mon frère ni celui de Maurice. Vivre de votre générosité aujourd'hui, ce serait, vous le savez bien, en vivre toujours. Blâmez-vous ma détermination ?» Il fit quelques pas dans le salon. Puis, d'une voix ferme, « Non, » répondit-il, et aussitôt, s'approchant, « Je vous verrai, n'est-ce pas ? Non. Songez donc qu'il faut que je vous voie. Il faut que je ne vous voie pas. Mon Dieu ! » s'écria-t-il d'une voix tremblante d'émotion. Elle ne baissa point les yeux sous son regard, mais elle leva la main pour lui fermer la bouche, d'un geste plein de prière et de commandement, d'indulgence et de fermeté. « Le monde, » dit-elle. « Qu'importe le monde ? Le devoir. Rappelez-vous qu'il y a 2 ans, vous êtes parti pour l'Italie. » Et de ses yeux un peu perdus, de sa main placée devant elle comme pour l'écarter, elle le pria, elle le força de briser là cet entretien où les mots partaient si vite, allaient si loin. Ils restèrent longtemps sans échanger une nouvelle parole, voulant tous deux parler, tous deux ayant peur d'en trop dire. Enfin, il s'arrêta devant elle. « Avec quoi allez-vous commencer cette vie nouvelle ? » dit-il. « Il vous faut de l'argent. En avez-vous ? J'ai ma montre. Il y a un cercle de petits diamants. On m'a dit qu'elle valait 400 francs. Je la vendrai. Voulez-vous que je la vende pour vous, ou plutôt, loyalement, voulez-vous que je la garde ? » Elle hésita un peu, puis, tirant la montre de son cou, « Tenez, » dit-elle. Sans la lui mettre dans la main, qu'il tendait, elle la posa sur la table à ouvrage. Il la prit, et se mit à compter 400 francs. Mais ses yeux voyaient mal, et ses mains tremblaient. Il recommença son compte. « Quand quittez-vous cette maison ? » dit-il. « Demain. » « Puis-je revenir demain matin ? » ?»« Non, mon ami. » « Alors mieux vaut que je parte tout de suite. Adieu. Adieu. » Il chercha quelques secondes son chapeau, puis, l'ayant trouvé, il se dirigea vers la porte, mais il revint sur ses pas. « Je vous demande une promesse, » dit-il. « Ce n'est pas de me faire savoir où vous serez, mais si Victorine était malade, si vous l'étiez vous-même, si votre travail ne donnait pas ce que vous attendez, adressez-vous à moi. Je vous le promets. » Et dans un mouvement irrésistible, elle lui tendit la main. Il avança la sienne, mais après un moment d'hésitation, il la laissa tomber et lentement, à reculons, les yeux toujours fixés sur ceux d'Armande, il sortit. Le lendemain matin, Maurice descendit pour déjeuner, frais et gai comme le soleil du printemps. Sa bonne humeur expansive ne put point amener un sourire sur le visage d'Armande, qui, mangeant à peine, garda une attitude recueillie, triste et ferme. Elle ne levait les yeux sur lui qu'à la dérobée, lorsqu'elle était certaine qu'il ne la voyait pas, et alors elle l'embrassait d'un regard doux et attendri. Il avait à peine avalé sa dernière bouchée qu'il se disposa, comme de coutume, à partir. « Tu n'embrasses pas ta fille ? » dit-elle. « Tiens, c'est vrai. Venez vite ici, mademoiselle Titine, allons. » Il la prit sur ses genoux, s'amusa pendant quelques secondes à lui faire friser ses petits cheveux en soufflant dessus, et l'ayant embrassée sur les deux joues, il la déposa à terre. Armande le conduisit jusqu'à la porte du jardin. Les feuilles des arbustes, qui faisaient une voûte de verdure au-dessus d'eux, les mettaient à l'abri des regards du dehors. Elle l'embrassa et le serra assez longtemps dans ses bras. « N'est-ce pas, » dit-il en riant doucement, « que quelques louis dans la poche, ça vous rend la jeunesse ? À ce soir !» Il s'en alla léger et dispo, en fouettant l'air de sa canne. Elle le suivit des yeux, écouta son pas après qu'elle ne le vit plus, puis un frémissement l'agita des pieds à la tête. Mais ce ne fut qu'une défaillance d'un instant. Elle monta bientôt à sa chambre, où, le cœur gonflé, la tête décidée, elle écrivit la lettre que voici. Vous m'avez dit il y a longtemps déjà que je devrais vous quitter. Jusqu'à ce jour, je n'ai point obéi à ce conseil parce que je ne pouvais pas me résigner à me séparer de vous quand la misère était dans la maison. Grâce à votre voyage en Allemagne, cette misère n'existe plus. Vous avez une assez grosse somme devant vous, je ne veux point la diminuer. Je me décide donc à faire ce que vous m'avez tant de fois conseillé et à vous rendre cette liberté qui doit ramener votre génie. Je ne vous dirai point que cette résolution ne m'est pas douloureuse. Mais la persuasion que j'obéis à un devoir me donne la force de l'accomplir. Ne vous inquiétez pas de moi. Vous savez que je suis forte et que j'ai eu toute jeune l'habitude du travail. Votre fille ne manquera de rien. Ne m'accusez pas de vous l'enlever. Il faut qu'elle grandisse en travaillant. Je l'élèverai dans un tendre et respectueux souvenir de son père. Adieu. Je n'oublierai jamais la première année de notre mariage. » Cette lettre écrite, elle alla prendre sa malle de voyage. Elle y mit ce que le monde-piété n'avait pas voulu, deux ou trois robes, un peu de linge lui appartenant personnellement, et le trousseau de Victorine au complet. La malle fermée, elle appela Marie-Ange. Quand celle-ci apprit que sa maîtresse allait partir, elle se mit à pousser les hauts cris et à gémir. Elle tenait Victorine dans ses bras, elle la serra étroitement et l'embrassa. Armande avait redouté ce moment. Elle savait combien cette brave fille lui était attachée. Elles avaient souffert ensemble. « C'est pour quelques mois, » dit-elle, « je vais à la campagne, chez une de mes amies. » Marie-Ange secoua la tête et répéta à plusieurs reprises « Je vous en prie, ne m'enlevez pas l'enfant. » Puis tout à coup, prenant sa résolution « Tenez, » reprit-elle, « si c'est par économie, ne partez pas. J'ai 600 francs à la caisse d'épargne, nous les retirerons. Je ne vous avais pas encore proposé cet argent-là parce que j'avais peur que vous ne le donniez à monsieur. Mais vous le lui donnerez si vous voulez. Laissez-moi l'enfant. » Il fallut qu'Armande employât de douces paroles pour la rassurer. Quand elle la vit un peu calmée, elle lui donna ses dernières instructions. « Ayez bien soin de monsieur. Vous voyez, voilà son linge rangé. Ne le laissez manquer de rien. Tâchez qu'il ne sorte jamais sans avoir déjeuné. S'il est dur pour vous, ne vous en fâchez pas. Il est malheureux. » Marie-Ange alla chercher une voiture sur laquelle on hissa la malle. « Quand reviendrez-vous ? » demanda la bonne fille des yeux de laquelle des larmes coulaient, grosses et précipitées comme une pluie d'orage. « Je ne sais pas. Embrassons-nous donc. » La voiture partit. Armande avait dit au cocher de la conduire à la gare Saint-Lazare. Arrivé là, Elle fit porter sa malle au bureau de la consigne, se proposant de venir la reprendre quand elle aura un logement. Cela fait, elle reprit une autre voiture. « Au temple, » dit-elle. Au temple, elle congédia son cocher. Et à pied, tenant Victorine par la main, elle commença à chercher un logement dans les rues environnantes. La chose était assez difficile puisqu'elle le voulait libre immédiatement. Plus d'une fois, Victorine se plaignit de la fatigue et voulut s'asseoir dans les escaliers. Enfin, elle trouva à peu près ce qu'il lui fallait, rue de Montmorency, dans une vieille maison qui, sous Henri IV ou Louis XIII, avait été l'hôtel de quelques grands seigneurs et qui aujourd'hui était une sorte de ruche où toutes les industries parisiennes étaient représentées. Une chambre et un cabinet sous les toits. Les deux pièces étaient mansardées, mais par les fenêtres on voyait la verdure d'un marronnier qui s'élevait d'un jardin voisin, et l'on entendait le bruit du vent dans les feuilles. Cela coûtait 200 francs, et comme la nouvelle locataire, se disant nouvellement arrivée de province, n'avait personne chez qui le portier pût aller au renseignement, on lui fit payer un terme d'avance. Le logement n'était pas tout, il fallait quelques meubles. La rue Chapon fournit les chaises et la table, la rue de Rambuteau les deux lits, car Armande, qui ne s'établissait point pour un jour, en acheta deux tout de suite pendant qu'elle avait de l'argent, un pour la chambre, l'autre pour le cabinet. Victorine grandirait. À 9 heures du soir, après être retournée à la gare Saint-Lazare, elle se trouva dans son logement, non rangé mais meublé. Sur ses 400 francs, elle en avait dépensé 370. Il lui restait 30 francs de capital pour recommencer la vie à 23 ans avec un enfant. « Ah, maman, dit Victorine, ce n'est pas amusant les voyages. Nous ne sommes pas en voyage, nous resterons ici toujours, et papa, c'est lui qui est en voyage. » L'enfant n'ajouta pas un mot, mais elle parut réfléchir longtemps. « Si tu voulais, dit-elle enfin, j'ai peur, je coucherai avec toi. » Malgré sa fatigue, Armande ne s'endormit point. Devant sa conscience, elle examina longtemps l'acte qu'elle venait d'accomplir, et toutes ses incertitudes la reprirent de nouveau. Les heures s'écoulaient, le sommeil ne vint point. Insensiblement, une tristesse profonde, un vague effroi l'envahirent. Elle eut un moment de défaillance de corps et d'esprit et se mit à pleurer. Tout à coup, elle sentit une chaude haleine sur son visage. « Maman, dit Victorine, ne pleure pas, je t'aime bien. » Armande la prit dans ses bras, la coucha sur elle comme au temps où elle lui donnait le sein. Et la tenant ainsi, la berçant doucement, elle l'endormit et s'endormit avec elle. Maurice, en rentrant pour dîner, fut très surpris de ne trouver qu'un seul couvert. La lettre d'Armande, qu'il aperçut posée sur la table, l'empêcha de demander des explications à Marie-Ange. Il la prit et l'ouvrit en tremblant, un pressentiment l'avait frappé. Il la lut sans bien la comprendre. Ce fut seulement à la deuxième lecture qu'il vit qu'Armande et sa fille étaient parties. Parties ? Où ? Comment ? Cette lettre, un peu vague, quoique cependant si précise aussi qu'il relut une fois encore, ne lui disait rien. Il interrogea Marie-Ange, celle-ci ne put que répéter en gémissant ce qu'elle savait. L'indication de la rue Saint-Lazare n'apprenait rien. Où elle était partie pour la campagne, où elle avait voulu paraître partir et dérouter les recherches. Ainsi elle l'avait abandonnée et avait emmené sa fille, où les chercher, que faire. Le trouble était dans ses idées. Lorsqu'il croyait trouver quelque moyen, il sentait bientôt qu'il marchait en aveugle et se heurtait à l'impossible. Le fait clair qui était là, c'est qu'elles étaient parties. Martel avait toujours été le confident d'Armande. Il saurait peut-être quelque chose, il y courut. « Ma femme est partie, elle m'a enlevé Victorine » s'écria-t-il en entrant. « Sais-tu où elle est ? En sais-tu plus que moi ?» Il tendit sa lettre. « Non, » dit Martel. « Tu étais ma dernière espérance. Que faire maintenant ? J'ai la tête perdue. J'ai des craintes auxquelles je n'ose m'arrêter. » C'est une âme fière, capable des plus terribles résolutions. Il y a en elle du caractère d'Audrenne. Ce n'est pas impunément qu'on est élevés ensemble. Je voudrais aller à la préfecture de police, faire des recherches à Paris, partout, je n'ose. Vas-y pour moi, conseille-moi. Martel garda le silence. Elle est femme à ne pas vouloir survivre à son amour, reprit Maurice. Allons donc. Ah, tu ne sais pas ce qu'était cet amour, et si tu en juges par les apparences. Il a été bien éprouvé dans ces derniers temps, mais il était malgré tout resté grand et passionné. Martel écoutait avec une impatience mal contenue. À ce mot, il l'interrompit brusquement et durement. « Ne voudrais-tu pas me faire croire que Madame Berthaud te quitte pour mourir ? Ton amour-propre qui l'a tant fait souffrir, la calomnie maintenant ? Elle te quitte pour travailler, pour élever sa fille, voilà la vérité. Tu ne sais pas comme elle m'aime. Je sais ce que dit cette lettre. Ah, cette lettre. Je sais ce qu'elle m'a dit elle-même. Elle t'a confié son projet, hier. Où est-elle alors ? Dis-moi tout, parle. Elle m'a dit son intention. Elle ne m'a point dit où et comment elle entendait la réaliser. Et je ne lui ai rien demandé de plus que ce qu'elle me disait. Est-ce vrai? Ai-je coutume de mentir? Ainsi elle t'a pris pour confident, et tu ne l'as pas arrêté. Tu ne lui as pas dit que c'était une faute de me quitter, un crime de m'enlever ma fille. Elle ne m'a pas demandé conseil, elle était résolue. Mais tu es mon ami, le sien, tu devrais éclairer, l'arrêter. Martel ne répondit pas. Trouves-tu donc qu'elle a bien agi? Qu'importe. Il m'importe à moi. Eh bien oui, puisque tu veux le savoir, s'écria Martel en jetant dans un coin les brosses pleines de savon qu'il était en train de frotter entre ses mains. Oui, elle a bien agi. Est-ce qu'elle a fait de son propre mouvement? Je lui aurais conseillé de le faire. Tu as martyrisé son cœur, elle a voulu t'échapper. Tu laissais ta fille dans une misère à souffrir de la faim. Elle a voulu travailler pour elle, se dévouer à elle comme elle s'était dévouée à toi. Elle a voulu soustraire l'enfant à l'influence pernicieuse que par tes paroles et tes exemples tu pouvais exercer sur elle. Par le coup violent qu'elle te donnait, elle a voulu t'avertir, te faire rentrer en toi-même, te tirer de ton bourbier et de ta paresse. Voilà pourquoi je dis qu'elle a bien fait. Parce que j'ai eu des torts, reprit Maurice avec emportement. Parce que j'ai obéi à des besoins et à des passions qui me sont communs d'ailleurs avec tant d'hommes. Tu crois que ma femme agit sagement en m'abandonnant et en m'enlevant ma fille? Tu crois aussi que par là, elle m'aura sauvé, comme tu dis? Eh bien, si quelque chose peut me perdre, c'est son abandon, car je l'aimais. Où veux-tu que j'en trouve une qui ait sur moi une influence comme celle qu'elle avait? Où veux-tu que j'en trouve une qui ait son cœur et sa bonté? Où veux-tu que je retrouve un enfant, ma petite Victorine? Ta fille serait morte de misère chez toi et sa mère aussi. Eh bien, et moi, qui te dis que je ne mourrai pas de désespoir? Si tu as besoin de te plaindre, et surtout d'être plaint, dit Martel, avec une sévérité que Maurice ne lui avait jamais vue, adresse-toi à d'autres. Celle qui a toutes mes sympathies, qui me fait souffrir et me fait pleurer, c'est Madame Berthaud. Je ne dis pas que tu n'es point malheureux. Je dis que c'est justice puisque tu as été le seul coupable. Par tes fautes, par ta nature, si tu aimes mieux, tu as préparé, fatalement amené ce qu'elle a exécuté aujourd'hui. À toi donc la responsabilité et à toi la souffrance. Tu n'expieras jamais ce qu'elle a supporté pour toi. Tu l'aimais, dis-tu, c'est possible. Tu l'aimais parce qu'elle te plaignait, te soignait, parce qu'elle t'était indispensable. Tu l'aimais pour toi-même, non pour elle. Et c'est là ce que tu appelles aimer? Maintenant tu gémis de l'avoir perdue, tu pleures, tu parles de mourir, tu ne mourras point, et cela parce qu'il y a quelque chose que tu mets au-dessus de tout, au-dessus de ton amour pour la femme que tu regrettes, au-dessus de la tendresse paternelle, et ce quelque chose, c'est l'amour et la tendresse que tu as pour toi. Maurice voulut interrompre. Martel continua. Une fois déjà, j'ai été pris à ces scènes de désespoir que tu joues très bien, parce que tu les joues de bonne foi. La femme que tu aimais t'avait abandonnée, tu voulais mourir, les pistolets étaient chargés avec de vraies balles, par-dessus de vraies poudres. La mise en scène était complète. J'ai cru devoir te faire un discours pour t'arracher ces pistolets de la main. Je te les ai arrachés. Je ne recommencerai point mon discours, attendu qu'il serait inutile. Tu ne te tueras pas plus aujourd'hui que tu ne t'es tué alors. Tout simplement, tu expulseras ton chagrin dans de touchantes paroles, et si bien qu'avant peu de jours, il ne t'en restera plus dans la tête. « Ces paroles m'eussent bien surpris hier dans ta bouche, » dit Maurice. « Maintenant, elles ne m'étonnent plus. Ton indulgence pour ma femme, ta dureté pour moi, la répugnance avec laquelle tu m'as écouté parlant de mon amour, m'ouvre enfin les yeux. Tu aimes Armande. Allons, l'homme qui ne ment jamais, dis donc que tu ne l'aimes pas. » Martel resta un moment sans répondre. Maurice était en face de lui, les bras croisés, le regardant dans les yeux. « Eh oui, je l'aime. Non depuis quelques jours, mais depuis longtemps. » C'est parce que je l'aimais que je suis parti pour l'Italie, parce que je l'aimais qu'à mon retour j'ai tâché de te rapprocher d'elle et que j'ai forcé Lina de rompre avec toi. C'est parce que je l'aime que je la plains, l'admire et te condamne. » Maurice se laissa tomber sur une chaise. « Mon Dieu, dit-il, elle m'enlève mon enfant et mon ami. » Mais presque aussitôt il se releva et sans dire un mot à Martel, il s'en revint chez lui. Marie-Ange l'attendait. D'ordinaire, elle ne restait jamais inoccupée, mais ce soir-là, elle laissait ses mains en repos, son esprit seul paraissait travailler. Tout le temps qu'avait duré l'absence de Maurice, elle l'avait passé dans sa cuisine, sur une chaise, réfléchissant. « Monsieur, dit-elle, j'avais promis à madame de rester auprès de vous, pour vous soigner. Mais ne plus voir la petite, c'est impossible. Je sens bien qu'ici, sans l'enfant, j'en mourrai. Dans un mois, je retournerai au pays. « Demain, si vous voulez, dit-il. » Sans toucher au dîner qui était sur la table, il monta dans sa chambre. il se sentait contre sa femme une fureur d'autant plus violente qu'il ne pouvait plus l'exhaler. Pendant plusieurs heures, il marcha en long et en large, agitant dans sa tête des résolutions extrêmes, aussitôt abandonnées que prises. Peu à peu, la solitude et la nuit agirent sur lui. Cette chambre, à peine éclairée, où retentissait le bruit de ses pas, ses sièges rangés comme à l'ordinaire, ses meubles qui parlaient du passé, attendrirent son cœur. Le lit, surtout le lit de sa fille, uni et bien dressé sous ses rideaux blancs, mais vide maintenant pour toujours, attirait ses yeux chaque fois qu'en marchant il passait auprès. Enfin sa colère se fondit. Il se jeta à genoux auprès de ce petit lit et enfonça sa tête dans l'oreiller qui gardait encore, sensible et vivant, le vrai parfum de l'enfant. Ce fut là que la fatigue le prit et l'endormit.